Ok, tourne à droite. Non, à gauche. Parle pas, recommande rien. Bois et finis vite. Tourne tout droit, puis recule à gauche. Arrête de baisser les yeux. Pleure pas, sois forte. Ressemble à quelqu'un de fort. Ne pas en vouloir, rester naturel, normal. Faire comme si la pêche, faire comme si le sourire, faire comme si la vie est belle, faire comme et ressembler à rien. Marcher en slalomant. Éviter les conversations trop longues. Tracer un chemin d'une idée dissolue de chaleur, peur de tout, de plaire, de faire, de vouloir faire. Tenter tout à moitié, les autres regardent de travers. Ok, tourne à droite. Non, à gauche. Regarde pas l'enfant qui t'aime bien. Lui donne pas la main, ni à son père, car c'est pas le tien. C'est rien du tout pour toi, rien. Les secondes, ça défile pas pour toi, alors ne pas rêver. Ne pas rêver dans ses bras, de ses bras. Parle pas, ne recommande rien. Pas faire la plus maligne. Laisser le vent s'engouffrer là où il passe. Chatouiller ses sentiments, les laisser traverser le corps. Pas de cœur, pas de raison, pas de souffrance. Ok, tourne à droite. Non, à gauche. Laisse-toi faire, refaire, ne dis plus rien, vis ce que tu vis et n'oublie pas de tourner tout droit à 200 mètres. Ça sonne. Ah non, ça sonne pas ? Si, ça sonne. Je m'en fous, j'y vais pas. Fais pas la gamine, je veux rien savoir. Arrête d'être crétine. Je fais ce que je veux le soir et même la journée. Bon bah, débrouille-toi seule. Ok, je demande que ça, alors lâche-moi, mais ça sonne, je te dis. Tu m'écoutes pas ? Réponds au moins 2 secondes, je veux pas. Fais pas l'enfant gâté et assume. Assumer quoi ? J'ai rien commencé, justement, fais un choix. Et je fais le choix de te dire ta gueule. Dis pas ça, m'en veux pas. Arrête de me culpabiliser de quelque chose que je connais pas. Découvre et puis tu verras. Mais ça sonne pas. Décroche et raccroche. Pourquoi faire et pour combien de temps? Je sais pas, mais t'es en train de mourir. Je m'en fous, j'irai pas. Alors pourquoi t'es devant moi? Pour rien? Mais pour rien, je te dis. Je passais par hasard. Je m'ai cassé le bras quand j'avais 7 ans et des cicatrices sur les genoux à cause du carrelage de la piscine et des cours de récré. Je m'ai cassé les ligaments croisés à 15 ans parce que j'ai voulu faire du cirque et être forte comme les garçons. Et le premier que j'ai embrassé, je l'ai rompu au bout de 4 jours. C'est pas sympa, disent les copains, j'ai beaucoup pleuré. À 16 ans, le monsieur de la radio m'a interviewé sur mes chevilles, alors c'était chiant. Mais je l'ai écouté parce que mes parents l'ont payé. Entre 17 ans et 24 ans, j'ai fait comme à 16 ans. Plus, j'ai tordu mes doigts de pied. Plus, tordu mes doigts de main. Plus, tordu mon dos en S. Mais c'est pas grave, j'aime bien les S. Ça veut dire qu'on est nombreux. Je m'ai aussi fait une petite rayure sur la carrosserie de mon bourrelet à l'épaule gauche, côté cœur, côté bizarre pour les filles. Aujourd'hui, la cour de récré, c'est tout le temps de la vie. Il n'y a juste pas assez de gros pansements pour les gros bobos. Et tant pis parce qu'on s'amuse bien quand même. Un un mouton qui se coupe la patte dans un piège à ours, ça fait mal. Qui lui dit de passer par là? Un oiseau qui se prend pour une poule et qui se fait dépecer pour la bonne cause, ça fait mal. Qui lui a dit d'aller manger les grains au sol qui paraissaient si bons? Le ciel pleure parfois, et quand le soleil le regarde pleurer en silence, ça ne fait pas mal. Ah bon? Ils se racontent ensemble leur histoire, et nous, en bas, on en interprète une autre. Quoi qu'on en dise, c'est plutôt joli de les regarder faire l'amour sans bruit et sans pudeur. Est-ce qu'on sait le faire? Est-ce qu'on sait le faire? L'amour sans bruit. Sans bruit. Et sans pudeur. Et sans pudeur. Sans interrogation de la couleur que ça prend, sans même penser « Ah, faut croire que... » Nos sourcils se questionnent, nos bouches se croisent et nos oreilles sont capricieuses. Ce corps qui parle pour nous ne nous a dit rien. J'entends rien. Caché, pas caché, il joue avec l'angoisse de nos envies. Il a tous les droits, les devoirs. Les décisions sont mises à mal par la confrontation du corps et de l'esprit. Du corps et de l'esprit ? Rien ne fonctionne exclusivement par 2 ou 4 ou 6 ou 10. Tout fonctionne exclusivement par 1, 3, 5, 111. Il a tous les droits, les devoirs. Caché, pas caché, il gémit avec l'envie de juste parler. Nos nez touchent nos voix et nos bras et nos foies engorgés de salive mal employée. Ce rythme nous balance de billes en terre et un mal de mer sème quelque chose sur nos passages. On pense jamais à traverser sur les passages cloutés. Jamais. Il faut toujours en freindre pour se sentir maître de son destin, comme un test qu'on s'inflige pour être sûr de vivre. Peur de la mort, non? De dire adieu à Dieu et aux gens qui y croient. J'y crois pas. Et à ceux qui n'y croient pas, qu'est-ce qu'on leur dit? Merde. À bientôt. Excuse-moi. Oh non. Merde. Grattez-moi pour m'allumer. Il va faire si froid dedans ma tête. Et je n'ai même pas un crayon pour décrire l'odeur du noir, des gras de noir. T'es